schizophrénie et conscience supramentale. Voilà ce dont il va être question dans le cadre de cet enregistrement. Pourquoi parler de ces sujets-là mis ensemble? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont associer la schizophrénie à la conscience supramentale, dans le sens que beaucoup de personnes dans le domaine scientifique, dans le cadre de la science cartésienne actuelle, qui est en vogue en Occident, parle du principe que la réalité est physique, qu'il n'existe pas de dimension parallèle à l'être humain, d'autres formes de réalité et d'entités de nature invisible, ce qui fait en sorte que si une personne dit qu'elle a entré en contact avec une entité qui lui parle dans la tête, donc quelqu'un qui va vivre dans la conscience supramentale un contact psychique avec, par exemple, son esprit qui lui parle, sa petite voix intérieure, eh bien, la personne qui a un cadre de lecture matérialiste, donc qui part du principe que c'est juste la réalité physique qui existe, va à partir de cette vision-là, déduire que la personne qui dit entendre une voix d'une entité qu'on ne perçoit pas sur le plan physique, qu'elle connaît automatiquement une hallucination. Donc, à ce moment-là, on va lui mettre l'étiquette, entre autres, de schizophrène, dans le sens que si elle dit entendre une voix qu'on ne peut pas percevoir sur le plan physique, eh bien, on va lui mettre cette étiquette-là. Et la problématique liée à ça, c'est que les scientifiques matérialistes nient une dimension importante de la réalité de l'être humain, c'est cette dimension psychique et le fait que l'être humain est un être multidimensionnel. Donc, en se limitant à la perception de la réalité sur le plan physique et en ne tenant pas compte de la possibilité qu'il existe des entités sur d'autres dimensions, eh bien, au lieu d'évaluer qu'il pourrait être possible que la personne discute avec un être dans sa psyché, eh bien, on part du principe que non, c'est impossible, puis elle hallucine. Et ça, c'est une limite de la science matérialiste actuelle qui devra éventuellement être éliminée pour que la science touche l'intégralité de l'être humain dans sa multidimensionnalité. C'est-à-dire à partir du principe que l'être humain évolue sur le plan physique, mais également sur d'autres plans de réalité. Et éventuellement, le changement va se faire avec le développement d'une science complète de l'être qui devra être fait et d'accepter la réalité qui peut exister des entités. Parce que, après tout, au fil des décennies, vous avez des milliers de témoignages de gens qui disent avoir vécu des contacts avec des êtres décédés, donc des médiums, des gens qui disent avoir été contactés aussi par les extraterrestres. Donc, ça se peut que, bien entendu, parmi ces gens-là, il y en a une certaine partie qui disent des mensonges, mais faut pas partir du principe que c'est nécessairement tous des menteurs. À ce moment-là, il faut s'ouvrir que peut-être c'est possible qu'il existe des entités dans l'invisible et qu'il y ait des contacts psychiques qui s'établissent entre des êtres humains et ces entités-là, et qu'à ce moment-là aussi, si des entités qui sont réelles, eh bien, il faut arrêter de mettre à ces gens-là l'étiquette comme de quoi qu'ils ont un problème de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils sont nécessairement atteints de schizophrénie, parce que c'était pas réel. Donc, si les gens ont vraiment un contact avec des entités, puis éventuellement même le psychiatre ou le psychologue peut parler avec ces entités-là, s'il vit un contact psychique avec ces réalités-là, parce qu'il vit un processus d'ouverture de la conscience, et il vit une fusion avec son esprit, mais à ce moment-là, les choses vont changer parce que au lieu de nier l'existence de cette réalité-là, on va en tenir compte et ça va être moins aliénant pour la personne. Parce que là, présentement, si une personne dit à un professionnel du domaine de la santé en Occident qu'elle entend des voix, elle va être rapidement catégorisée comme étant schizophrène, comme étant quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Donc, quelqu'un de. Et ça peut, ces étiquettes-là, amener la personne à se refermer, à ne pas vouloir nécessairement parler de ses expériences parce qu'elle va se sentir jugée par l'autre personne. Et puis, en même temps, elle ne se sentira pas accueillie parce qu'elle va tout le temps sentir que l'autre personne qui l'écoute a toujours le préjugé que ça ne se peut pas, que ça n'existe pas, des extraterrestres ou des entités, c'est-à-dire des êtres décédés qui continuent à vivre dans l'au-delà, ça ne se peut pas. Donc, toutes ces manifestations-là de paranormal sont le fruit d'hallucinations, ce qui fait qu'il n'y a pas une ouverture réelle de l'autre face à sa vision, à son expérience. Donc, elle ne peut pas se sentir compris. Et ça, c'est aliénant, ça peut créer de la souffrance chez la personne qui ne se sent pas compris par ses proches ou même par rapport aux professionnels de la santé qu'elle peut consulter. Et c'est pour ça qu'éventuellement, un peu comme ce qui est le phénomène de l'homosexualité, c'est-à-dire que autrefois, les gens qui se disaient homosexuels en Occident, eh bien, ils se faisaient juger sévèrement par les autorités, par le clergé, par également les gens qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Donc, les intervenants, les psychologues, les psychiatres, et on essayait de les changer. D'ailleurs, il y avait des gens qui pratiquaient la psychanalyse qui, au lieu de les aider à intégrer leur expérience, puis dire l'homosexualité, c'est une orientation sexuelle parmi tant d'autres, on essayait plutôt d'échanger, puis de leur dire qu'ils ne sont pas corrects. Et c'est un petit peu le même phénomène aujourd'hui avec les gens qui entendent des voix. Donc, autrement dit, on essaie aujourd'hui, à partir du principe que ça n'existe pas parce qu'on a une vision matérialiste mur à mur, on essaie de changer ces gens-là, soit à travers la médication ou soit à travers certaines approches pour plus qu'ils entendent des voix. Donc, on part du principe que c'est nécessairement mauvais, alors que, un peu comme pour l'homosexualité, il pourrait être peut-être plus approprié de les aider à composer avec leur situation, au lieu de partir du principe que leur situation est nécessairement négative. Donc, autrefois, si un jeune homme ou une jeune fille disait qu'elle était homosexuelle, c'était vu d'une manière péjorative. Donc, ça allait à l'encontre de la valeur de la famille. Donc, il y avait des préjugés contre ça. Un peu comme quelqu'un qui va dire publiquement qu'il entend des voix, ben c'est vu d'une manière péjorative. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, il faut que cette personne-là soit médicamentée. Elle dit qu'elle entend des voix, c'est dangereux, c'est du délire, c'est des hallucinations. Alors que, oui, dans certains cas, il y a des gens qui entendent des voix et c'est dangereux. Et c'est tout à fait vrai qu'ils doivent être médicamentés parce que si les voix prennent trop de place et à ce moment-là amènent ces individus à perdre contact avec la réalité physique, donc au lieu d'avoir une intégration de la réalité psychique et de la réalité physique d'une manière synthétique, c'est une perte de contact avec la réalité physique. Si ces gens-là mettent leur vie en danger ou celle des autres, oui, tout à fait, ils doivent avoir médication. Et à quelque part, si les gens ne sont pas capables de gérer intelligemment leur canal psychique qui s'est ouvert avec une réalité dans laquelle résident des entités, oui, à quelque part, ça doit être fermé ou atténué, surtout si les gens ont peu d'introspection et perdent régulièrement contact avec la réalité. Oui, en effet, ça doit être encadré et ces gens-là doivent être accompagnés d'une manière encadrante par des intervenants. C'est tout à fait vrai. Par contre, l'idée, c'est que si la personne est capable de fonctionner en société et elle entend des voix, donc quand que je dis fonctionner en société, c'est la personne, par exemple, qui est capable de faire son épicerie par elle-même, de gérer son budget, de suivre des formations, d'être capable d'étudier, réussir des cours, être capable par la suite d'administrer ses finances, gérer son budget, mettre de l'ordre dans son logement. Si elle est capable de fonctionner en société, elle n'a pas de problématique de violence, pas de problématique de consommation de drogue, à ce moment-là, qu'elle entende des voix, ce n'est pas nécessairement un problème en soi si elle est capable de gérer les idées qui proviennent de ces voix-là. Donc, d'encadrer ça par elle-même pour pas qu'il y ait de débordements négatifs. Donc, à ce moment-là, si, de mon point de vue, si la personne est capable de gérer sa vie, puis d'être fonctionnelle en société tout en entendant des voix, eh bien, elle n'a pas de problème de santé mentale parce qu'elle est fonctionnelle en société. Alors que si elle entend des voix et elle commet des actions qui sont violentes, et elle met sa vie ou celle des autres en danger, oui, à ce moment-là, c'est un problème de santé mentale parce que elle fait des actions répréhensibles. Alors voilà la nuance qui doit être faite entre les deux, alors que depuis le passé, les professionnels de la santé mentale ont toujours mis dans la même catégorie les gens qui entendent des voix, c'est-à-dire que la minute que quelqu'un dit entendre des voix, elle a été mise dans la catégorie des gens qui présentent un problème de santé mentale automatiquement, sans évaluer la pertinence des propos qui sont dits par les voix. Leur impact, parce que dans certains cas, quelqu'un qui entend des voix, ça le stimule pour la création artistique, la réalisation de peinture, l'écriture de romans. Donc, quelqu'un qui fait l'écriture de romans inspirée par des voix qu'il entend dans sa tête, eh bien, ça peut l'amener à avoir des œuvres qui sont totalement géniales. Donc, il y a une façon d'utiliser positivement ce contact avec les entités, notamment à travers l'expression créative, pour avoir une vie qui est agréable. Bien entendu, s'il y a des débordements, bien c'est là que ça vaut la peine d'encadrer ces gens-là, puis qu'il y ait de la médication, bien entendu. Mais il doit y avoir une part des choses qui est faite, donc une nuance entre l'individu qui entend des voix qui est sain versus celui qui en entend et qui présente un problème de santé mentale. Et ça devra être fait éventuellement. Et c'est pour ça que les scientifiques devront réaliser un jour qu'il existe des entités dans l'invisible qui acheminent ces voies-là. Et ça va venir avec le temps. En lien avec la schizophrénie et la conscience supramentale, j'ai produit un texte que je vais vous lire. Depuis plusieurs décennies, la psychiatrie en Occident associe le fait d'entendre des voix systématiquement un symptôme de la schizophrénie, étant un type de problème de santé mentale. Le fait d'entendre des voix n'est pas le résultat d'hallucinations, car il existe des entités, extraterrestres, êtres décédés, êtres mentaux, êtres astraux, et certaines personnes ont davantage tendance à les entendre. D'où la raison qui fait que la question de l'existence des entités ne fait pas consensus, parce que ce n'est pas tout le monde qui vit cela. La science devra reconnaître éventuellement leur existence de manière officielle et modifier en conséquence sa vision des problèmes de santé mentale. Comme la plupart des gens géraient mal cette communication intérieure qui s'effectuait avec des entités des plans astraux immatures, entre autres, eh bien cette dernière amenait des comportements dysfonctionnels chez la plupart de ces gens sous leur influence, ce qui justifiait la pertinence de faire une telle association. Par contre, comme à l'époque actuelle, il y a de plus en plus de gens qui vivent la prise de contact avec des entités du plan mental, qui est un autre niveau que celui astral, où réside leur esprit propre et de nature mature, avec discernement, eh bien, ils sont davantage en mesure de gérer cette communication intérieure efficacement. Donc, nous ne pouvons plus considérer les gens qui entendent des voix comme étant nécessairement des victimes d'un problème de santé mentale, car il y en a qui sont fonctionnels en société. Ainsi, la distinction entre une personne qui entend des voix qui a un problème de santé mentale et une autre qui est saine tout en les entendant est liée à la capacité d'être libre des manipulations que peuvent tenter les entités qui les génèrent, parce que ces entités-là peuvent amener certaines paroles ou certaines actions chez l'individu qui est l'entendeur de voix. Donc, le problème de santé mentale qui rend dysfonctionnel n'est pas en soi d'entendre des voix, mais c'est plutôt le fait de se laisser manipuler par elles, en n'évaluant pas de manière critique les idées qu'elles acheminent. Le danger réside dans le fait que des gens peuvent entendre des voix qui vont leur suggérer de poser des actions qui vont mettre leur vie et celles des autres en danger. Comme ils vont penser que ces idées viennent d'eux, ils peuvent agir spontanément en fonction de ces dernières et commettre des crimes. Éventuellement, les gens qui entendent des voix ne devront plus être automatiquement étiquetés comme présentant un problème de santé mentale. C'est seulement ceux qui ne sont pas capables de fonctionner en société qui présentent en fait un problème de santé mentale. Donc, le problème de santé mentale sera défini en fonction des comportements de l'individu et non pas du simple fait d'entendre des voix.